Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique, Pierre et Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 34, un patchwork très spécial, car nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux requins bleus. Ah, pas d'aquarium, non, pour eux. Non, un exercice auquel ils ne sont guère habitués, car ces deux requins bleus vont co-présenter cette émission avec moi. On est prêts? On part les gars? Allez, vas-y! Exclusivité sur Radio Fagette, vous venez d'entendre notre ami Rocha et notre ami Wagner nous chanter l'hymne national. Non, ce n'était pas l'hymne de l'Albanie, ce n'était pas l'hymne de l'Arménie, ce n'était pas l'île du Monténégro, non, encore moins celui de la principauté d'Andorre. Non, l'hymne que vous venez d'entendre est celui du Cap-Vert et était chanté par nos beaux footballeurs. Nos invités, deux footballeurs internationaux du Cap-Vert et qui font actuellement le bonheur du club de Nancy, l'ASNL. Bonjour Diaz, Concalves, Wagner. Bonjour. Merci d'être venu. Et bonjour Kenny Rocha Santos. Bonjour. Merci. Ouais. Vous parlez pas si mal le français que ça, les gars. Non, pas beaucoup. Moi, pas beaucoup. Kenny Toi, parle plus. Oui. Wagner, pas beaucoup. Rocha, un peu plus. Ouais. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Auparavant, je voudrais remercier Pascal Viardot d'avoir facilité cette rencontre. Alors, Pascal Viardot, c'est l'homme qui, l'ASNL, a la responsabilité des joueurs professionnels. Je tiens aussi à remercier de tout mon cœur Claude Spies, un ancien de l'ASNL, qui a été l'artisan de cette rencontre. Et c'est grâce à lui que cette émission a lieu aujourd'hui. Il est dans le studio de tout mon cœur, Claude. Merci. Pourquoi cette émission football et Cap-Vert? C'est simple. Il y a quelques mois, je préparais un sujet sur le Cap-Vert. Et j'ai éprouvé un véritable coup de cœur pour ce pays. C'est un archipel de 10 îles dans l'océan Atlantique, au large du Sénégal. Le ciel, le soleil et la mer. Bon, au-delà de la carte postale si séduisante, bon, je me doutais bien que dans un pays où le salaire moyen et mensuel n'est que de 226 €, la vie pour les habitants ne doit pas être si paradisiaque que ça. Et lors de l'émission, la première que j'ai faite sur le Cap-Vert, j'aurais apprécié la présence d'une personne originaire du Cap-Vert, mais malheureusement cela n'a pas pu se faire. Alors, parallèlement à ça, alors là, maintenant, on change de sujet. On est dans le football. Parallèlement à ça, on craignait le pire pour l'équipe de foot de l'ASNL, qui, après une succession de matchs perdus, semblait condamnée à quitter la Ligue 2 et descendre en National, ce qui aurait été une véritable catastrophe pour le club du Chardon, et cela paraissait inévitable. Et puis, miraculeusement, Diaz Wagner est arrivé, un jeune attaquant prêté par le club de Saint-Étienne, des buts marqués, des victoires auxquelles le club ne croyait plus, un moral retrouvé, et l'ASNL sauvait sa place en Ligue 2. Merci Diaz Wagner, qui est devenu depuis le chouchou du stade Marcel Picot. Je confirme. L'idée m'est venue de revivre cette émission Vis tes rêves, qui dit le père Guy. Eh bien, vis tes rêves, en compagnie de nos deux Capverdiens et d'une programmation musicale de leur choix, j'espère. Ils auraient préféré plus de rap, mais malheureusement, j'en ai pas prévu. Allez, présentation, on va commencer par Diaz. Alors, quel est ton âge, Diaz ? Diaz, c'est Wagner, hein ? J'ai 23 ans, là, maintenant. T'as 23 ans ? Ouais. T'es né au Cap-Vert ? Oui, j'ai né au Cap-Vert. T'as des frères, des sœurs ? Oui, on est beaucoup. Combien ? On est 9, je pense. Ah, dis donc ! Et les parents, ton père travaille, ta mère travaille ? Dis-nous tout. Oui, ma mère, il travaille, mon père aussi, il fait son travail. Et ils font quoi ? Ma mère, il travaille, comment se dit ça en français ? Dans le textile ? Styliste. Oui, la confection. Ouais, la confection, et le papa ? Mon papa, il travaille tout seul, il fait son travail tout seul. D'accord. Matatchouk. Ok. Donc, tu as fait ta scolarité au Cap-Vert, 6 années ? Oui. Oui ? J'ai pas fait tout, parce qu'après, j'ai parti à cause du foot. T'es parti à cause du foot, et ça, on va en parler. Mm. Ok. Et puis, les centres, est-ce que tu as des centres d'intérêt hors foot ? Est-ce que tu aimes bien en dehors du foot ? Qu'est-ce que j'aime bien ? Oui. Moi, j'aime profiter des vacances. Normalement, j'aime bien être avec des amis, écouter la musique et profiter un peu la vie. Oui. Et tu es d'origine de quelle ville ? Mon père et ma mère, c'est des îles des Fogo. Oui. Ça s'appelle Fogo. Et moi, toi ? Moi, je suis né à São Vicente. Alors, São Vicente à Mindelo. Oui. Et Mindelo, boum, ça fait tilt dans ma tête. Allez. On passe à, sans doute influencé par son compatriote Wagner, Kenny Rocha Santos, qui évolue comme milieu de terrain, a rejoint le club d'Ancéens au grand bonheur des supporters, est omniprésent, il court le Rocha, il est partout sur le terrain. Présentation. Alors, Kenny Rocha, quel âge as-tu ? 19. Pardon ? 19 ans. Tu peux répéter ça bien fort ? J'ai 19 ans. 19 ans et tu es professionnel ? À SNL. Depuis combien de temps tu es professionnel ? Depuis 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans ? Ouais. Oui, madame, messieurs, vous avez bien entendu. Kenny Rocha est professionnel depuis l'âge de 16 ans. Premier contrat pro à Saint-Etienne à 16 ans. D'accord, on développera ça. Ta famille ? Moi, j'ai quatre frères et sœurs. Oui. À côté de mon père, à côté de ma mère, j'ai une sœur. D'accord. Elle est au Cap-Vert, là, pour l'instant. D'accord. Scolarité au Cap-Vert ? Ma scolarité. En fait, quand je suis venu en France, et ils m'ont redoublé une classe. D'accord. J'étais en quatrième. Mm-hmm. En quatrième, et après, j'ai arrêté l'école. Mais vous en avez refait de l'école au centre de formation. De formation de Saint-Étienne. Moi non. Non, pas toi. Moi, j'allais à l'école. Non, tu voulais pas, toi. Moi, j'allais à l'école, moi. Mais c'était un peu dur, c'est pour ça que c'est là que j'ai arrêté. D'accord. Mindelo, toi aussi ? Ouais, Mindelo. Alors, Mindelo, deux titres. Boum. Le premier, il y a un sacré carnaval à Mindelo. On appelle ça le Petit Brésil. C'est la grande chouille, hein, les gars. Ça dure plusieurs jours et ça se situe au niveau du Mardi Gras, c'est ça ? Ouais, Mardi Gras, ouais. On rigole, là. Ah oui, Mardi Gras, ouais. C'est bien. C'est la fête au pays. Oui, normalement. Tous les dimanches, vers 15h, tout le monde y sort chez eux pour aller au Mardi Gras. Il fait presque tout le tour de l'île. À peu près tous les tours, il fait. D'accord, alors c'est quoi ? C'est un camion qui passe avec un orchestre et puis les gens suivent Il y en a c'est des gens avec de l'huile. Avec de l'huile ? Ouais, huile et du charbon. Ah bon ? Ouais, ils se mettent tout noir. Tout noir. Et après, il va devant et après, il y a la bande qui... Batucada. Ouais, Batucada. Batucada, oui. Et après, les gens, ils viennent en train de danser derrière eux. D'accord. Il y a des forts aussi, il y a des camions avec la musique. D'accord. Ok. Mindelo, toi aussi ? Ouais. Oui. Alors, mon deuxième tilt dans la tête, C'est une chanteuse qui est d'origine de là-bas. Césaria Evora. Césaria Evora. Allez, tiens, on l'écoute. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade de minha terra, São Nicolau. Question qu'on peut poser à nos invités, c'est le football au Cap-Vert. Parce que si j'ai bien compris, au Cap-Vert, on parle plutôt du cricket, on parle plutôt du windsurf, on parle, mais pas tellement de football, non? Allez, dites-moi. Du cricket, je sais pas, mais du... Il faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux, alors. Et du kitesurf, oui, il y en a beaucoup de Cap-Verdiens qui ont été champions du monde et tout. Oui. Et après, moi, le foot aussi, je pense que maintenant, ça commence à aller plus loin dans le monde du football. Oui. Alors, c'est vrai que le Cap-Vert, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il était classé 177e, je crois, dans toutes les nations mondiales. Pas bien, tu me contrediras, oui, c'est ça. S'il y a lieu. Et je crois que maintenant, le Cap-Vert arrive vers les 75-80. 64, ouais. Combien ? 64. 64. Vers là-bas, ouais, je pense. D'accord. Entre 60 et 80, ouais. D'accord. Alors, vous avez donc commencé le football au Cap-Vert, et vous avez été repéré là-bas. Comment ça s'est passé ? Moi, oui, j'ai commencé au Cap-Vert. Après, j'ai parti au Portugal. J'ai parti au Portugal, j'ai fait presque 2 ans et demi. J'ai passé pour Benfica, pas longtemps. Après, j'ai parti à Oblet. Quand j'ai entré, j'ai parti en Gil Vicente. J'ai vu Saint, j'ai fait un an et demi en U19. Après, j'ai en U19, j'ai commencé à jouer En moins de 19 ans, hein, c'est ça. Oui, j'ai commencé à jouer en équipe A. Après, j'ai joué un an. Après, j'ai arrêté le foot. Pendant un an, j'ai parti à Oblet. Je voulais pas jouer. Bon. C'était un petit peu compliqué. Je sais pas t'expliquer, mais. Quand j'étais au Cap-Vert, c'était là, j'étais même pas entraîné. Il y avait un jour, je suis sorti pour entraîner avec mon équipe là-bas, s'appelle Batouk. Il y avait des gens d'ici, de Saint-Étienne. D'accord. Ils m'ont regardé à jouer. Oui. Et après là, ça fait les papiers. J'ai entré en Suisse pour préparer un peu à moi. Après, j'ai parti à Saint-Étienne. Ok, on y reviendra. C'est la suite de mon questionnaire. Qu'est-ce que je veux dire? Mais tu fais partie donc de l'effectif de la sélection nationale du Cap-Vert. Oui. Tu vas jouer bientôt avec eux? Oui. Je pense qu'il y a un match là qui va revenir là les octobre. Je pense qu'on va aller. D'accord. Et Kenny, pour toi le football? Le football, j'ai commencé au Cap-Vert aussi. Et après, je viens en France pour rejoindre ma mère. Qui habite à Paris. Ouais. Hein? Et là que. Et après, comme y a le président de notre club là-bas, Batchouk. Ouais. Et il a des contacts. Et après, il essaye de me faire des tests à Saint-Étienne. Et après, je suis passé une semaine à Paris. Et après, il m'a trouvé deux, trois détections pour aller faire là-bas. D'accord. Saint-Étienne. Et après, ils m'ont gardé une semaine. Et okay. Ils m'ont dit que j'ai signé. On danse le Kizomba? Allez, c'est parti. Deixa pra trás, nunca tive coragem pra enfrentar o mesmo amor. Já me sinto, vou viajar, vou babar longe, vou deixar pra trás. Nunca tive coragem pra enfrentar o mesmo. Canta ausina do coração. Que as promessas que vou fazer. Foi só uma ilusão. Separa nós. Foi forçar em destino. Dinheiro assim. Deixa-te longe de nos cantinhos. Volta aí, amar. Deixa-te faltar em um carinho. Voilà, ben maintenant nous arrivons en France, hein, ils arrivent en France, nos deux amis. Alors comment ça s'est passé? Où, quand, comment? Qu'est-ce qui commence? C'est Elias Wagner ou c'est Kenny? Kenny. Moi quand je suis arrivé en France, c'était un peu dur parce que quand je suis arrivé c'était vers avril. Et moi j'avais froid. Vers avril, moi j'avais froid. Et après je me suis habitué, mais c'était un peu dur quand même. Alors d'abord à Saint-Étienne, là c'est ça, hein, en France. Tu as rejoint le centre de formation. Oui. Donc là tu as pu poursuivre tes études. Oui, et juste au début j'allais dans les cours de français et tout, j'avais une prof qui venait au centre. Et après, l'année d'après, ils m'ont mis à l'école. l'école où tous les autres joueurs du centre y vont. Moi, je prenais le cours normal, mais c'est plus pour apprendre le français. D'accord, bien sûr. Je ne faisais pas les contrôles des. D'accord, mais tu parles maintenant très bien le français, Oui. Ça fait déjà 5 ans que Ça je suis fait en déjà 5 France. ans. Ouais. Et Diaz? Et arriver en France, c'était dur parce que à manger aussi, c'était compliqué. Les fois, moi, les fois, pas beaucoup parce que même au Portugal, il y avait un petit peu. Ouais. J'étais habitué déjà. Après, c'est bien là maintenant. Je sens. Alors toi, au centre de... Tu n'y es pas allé au centre de formation, Non, non, non, donc tu n'as pas suivi de cours de français. Non, j'ai pas resté longtemps. Bah, tu te débrouilles pas si mal que ça. Allez. Non, j'ai pas resté longtemps à la centre formation. Presque quand j'ai arrivé, j'ai resté presque quoi, un mois et demi ou 2 mois. Après, j'ai sorti, j'ai rentré chez moi. Vraiment. Ouais. Puis tu préfères être sur le terrain. Bah oui, toujours. Musique. Gracia Santa Maria, vous connaissez? Tormenta nos mar, Catalina de Mossa. La cachana na tormenta nos mar. Cristaliza nossa linda. Alors, nos amis sont en France, bien entendu. Ils nous ont parlé des difficultés qu'il y avait déjà avec le, bah c'est l'adaptation, hein, oui. Avec le climat. Oui. Parce que chez vous, au Cap-Vert, ouais, il fait vraiment très chaud. On est en plein équateur là, si je comprends bien. Normalement, oui. Oui. Bon, donc le climat, qu'est-ce qu'il va falloir apprendre? À mettre des pulls, à mettre des choses comme ça. Bien habillé, nous on s'habille pas bien. On s'habille pas bien pour le froid. Et puis l'alimentation. Oui. Alors qu'est-ce qu'on mange beaucoup quand on est dans la région de Mindelo? Beaucoup de crustacés, je présume. Des poissons. Oui. Ouais, il y a beaucoup de poissons. Haricots. C'est comme ça, non? Haricots. Haricots, ouais. Il y a un truc qu'on mange là qui c'est traditionnel qui s'appelle cachoupa, je pense. Cachoupa. Ouais, c'est ça. Cachoupa, c'est quoi alors? C'est comme il vient de dire là. Des haricots. Des haricots avec beaucoup de viande mélangée. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas l'expliquer comme ça. D'accord. Cachoupa. Ouais. Oui. Et malheureusement, en Nancy, des poissons, des crustacés, bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Parce qu'il n'y a pas de mer à Nancy. Mais moi, je suis habitué à poisson parce que j'habite à côté de la mer. Oui. Ouais, je suis à côté de la mer, de la plage aussi. Et la nourriture du Cap-Vert, elle vous manque? Ou vous avez trouvé à Nancy des restaurants cap-verdiens? Non. Non. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé encore. Hein. Ah, ça manque toujours. Ça, c'est normal. Même qu'on peut faire chez nous, ben, les trucs à manger des mamans, c'est... C'est pas la même chose que nous. Laura Eclipse. Eu Patchwork, c'est l'émission Patchwork et nous recevons aujourd'hui Diaz Wagner et Kenny Rocha, les deux footballeurs très en vue de la SNL cette année. Voilà, l'arrivée à Nancy, comment ça s'est passé? Très très très bien accueilli, beaucoup de disponibilité. Beaucoup de disponibilité pour vous. Oui, d'accord. Pour nous. Ouais. Et... Alors attends, on va simplifier un peu les choses. D'abord, Diaz Wagner, lui, il est dans le cadre d'un prêt de Saint-Étienne à Nancy. Oui. L'année dernière, tu étais déjà dans un prêt, mais tu es arrivé en cours de saison. Ouais, j'ai arrivé en janvier. T'es arrivé en janvier. Et c'est là que le vent a tourné. C'est là qu'ils ont commencé à gagner parce que tu as marqué des buts. Non, c'est pas à cause de moi. Il y avait des bons joueurs, ils ont bien recruté. Et je pense Saint-Étienne Gomme, Wilfried Pora et des joueurs comme Marvo, même Amine Bassi, les autres qui étaient là déjà. Ça a été une bonne équipe. Et là, quand tu as une bonne équipe comme ça, on a commencé à gagner des matchs. D'accord. Enfin, t'as quand même été l'élément détonateur. Hein. Non, je pense pas. Bon, alors, on va rappeler peut-être le principe du prêt des joueurs. Diaz Wagner, il fait partie du club de Saint-Étienne. Il n'y a pas de problème, il fait partie du club de Saint-Étienne. Et comme Saint-Étienne a déjà une équipe qui joue, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va attendre que le titulaire de son poste soit malade, ne soit pas là, blessé ou autre, pour pouvoir prendre sa place et jouer un match. Alors, dans ces cas-là, le club de Saint-Étienne prête à la SNL un joueur pour un certain temps. Donc, l'année dernière, tu étais prêté pour 5 mois, je crois. Oui. Et cette année, on a remis la gomme, était prêté pour... Un an. Pour la saison. Oui. D'accord. Alors, l'intérêt pour les joueurs, c'est que ça leur permet d'avoir du temps de jeu dans les matchs. Normalement, c'est ça que j'ai besoin. Et c'est ça dont tu as besoin, bien sûr. Et... Kenny, lui, il n'est pas tout à fait dans le même cas. Kenny, toi, tu as signé? J'ai signé pour 2 ans ici. Tu as signé pour 2 ans ici. Oui. Donc, tu n'es plus à Saint-Étienne, tu es à Nancy. Oui, je suis à Nancy. D'accord, ok. le public. Parlez-nous un peu du public de Nancy. Très, très actif. Oui. Et il nous apporte beaucoup. Oui. Le stade est plein. Oui. Ça, c'est important. Ça, c'est le stade. Il a une bonne ambiance quand on joue. Ça donne envie de. Ça donne envie d'y aller. Pour eux. D'accord. Même en déplacement, ils sont là et tout. D'accord. J'aime bien ça. Ok. Pierre, tu voulais parler des supporters. Non, bah oui, c'était savoir pour de la Ligue 2, parce que c'est vrai que pour de la Ligue 2, les supporters de la SNL, ils sont connus pour être dans les meilleurs pour de la Ligue 2. Donc oui, savoir à quel point c'était important pour vous dans les matchs. Je pense au match contre Le Mans où on était à 9 contre 11 et vous avez beaucoup dit après le match que grâce aux supporters et à l'ambiance, ça vous a motivé. Donc c'était pour savoir si les supporters, ils sont vraiment si importants que ça ou... Enfin voilà, qu'est-ce que ça vous apporte sur le terrain en tout cas? Ouais. Comme ils disent, les supporters c'est le deuxième homme sur le terrain. Et ils nous ont bien, ce jour-là, ils nous ont bien poussé derrière pour qu'on aille chercher la victoire. Pierre qui fait partie d'un club de supporters? Moi je suis pas dans un club de supporters, mais je suis abonné à Marcel Picot. Donc je vais voir tous les matchs et je fais partie de ceux qui les poussent. Bon, quelques supporters un peu agités aussi. Hein. Oh, je ne sais pas si on n'en rajoute pas, parce que des banderoles, il y en a toujours eu. Hein. J'interroge Claude qui a une certaine expérience de la chose. Des banderoles, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des banderoles, il y a toujours eu des supporters avec des mots dans le stade. Je pense que la Ligue resserre les boulons en ce moment. D'accord. Mais okay. Bon, ça a toujours existé. On va pas en parler plus, ça leur donnerait de l'importance, ouais. Je pense à ceux qu'on peut qualifier de connards, quoi. Allez, je l'ai dit. À Morna Maïs Bonita, je pense que je l'ai bien prononcé, les gars. Maïs Bonita. Ouais, Bonita. Ildo Lobo. Ildo Lobo. Mansa de olhos meigos sem maldade, qu'est-ce que sorriso que nos fez? Sorriso doce que te desperta alguém ambição, mesmo que for posto de humilhação, quer conquistar meu coração. A mim tão cria ser poeta, vamos passar um mar de poesia, vamos comparar. Esse bom beleza com natureza, parce nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com formosura de meu corpo. A minha cria ser poeta, vamos fazer um mar de poesia, vamos comparar. Esse bom beleza com natureza, parce nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com a formosura de meu corpo. C'était Hildo... Hildo Lobo. Hildo Lobo. C'est un chanteur. Oui. Ouais. C'est un vieux. Oui. Ah, il va falloir qu'on mette du jeune. Hein. Mais il est mort. Ouais. Il est mort déjà. Il est décédé. Ouais. Il est décédé, oui. D'accord. Dites-moi, messieurs, parlez-moi du premier but que vous avez mis en tant que professionnel. Allez, vous êtes professionnel, vous êtes sur le terrain... Hein, bon, vous la ramenez pas trop parce qu'il y a les anciens quand même. Hein. Oui. Bon, et plan, vous mettez un but. Comment ça s'est passé? Moi, mon premier but, c'était. Alors là, c'est Rochin qui parle. Hein. Oui. Mon premier but, c'était en Coupe de France, à Olympique de Strasbourg. C'est là que j'ai marqué mon premier but. Alors, c'était quel match contre Strasbourg? C'était qui? C'était en Coupe de France, Olympique de Strasbourg. C'est le petit Strasbourg. Ouais, voilà. C'est pas le. Olympique Strasbourg. Ouais, Olympique, ouais. Et contre qui? Contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne. D'accord. Comment ça s'est passé? Bah, ils m'ont décalé une ballon à droite. Et moi, je fixe et je frappe. Une frappe croisée. Et ça rentre. Et ça rentre. Et tu avais quel âge? J'avais 17. 17, 18, je me rappelle pas. Alors, qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? On ne passe pas. Ouais, 18. 18, qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Tu ressens la joie, t'es content, t'es ton premier but en monde professionnel et t'as envie de faire plus, t'as envie de marquer encore plus. Ça te donne envie de. Et les coéquipiers? Ouais, tous les coéquipiers, les anciens. Et même les jeunes aussi, ils me félicitaient et tout. Bah, c'était bien. C'était ton premier but, Saint-Etienne, oui, Strasbourg. Olympique de Strasbourg. Diaz, Wagner, ton premier but, c'était où? Mon premier but, c'était au Portugal. Et tu avais quel âge? Je sais pas, 18. 18. En professionnel, j'ai marqué avec 18. Et moi, je ne me rappelle plus du but. Tu ne te rappelles plus du but? Mais attendez, il a des excuses parce qu'il en a mis pas mal depuis. Ouais, là maintenant, j'ai marqué deux buts. Moi. Alors maintenant, c'est toujours le premier but, quoi, en quelque sorte. Je suppose que quand tu marques un but, tu es heureux comme un roi. Où? Ben, à Nancy. Non, c'est pas ça, c'est normal, c'est comme les autres. Alors attention, autres. Hein, on t'attend au prochain match, on veut un but, hein. J'espère aussi. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Un ou deux. J'espère. Ça fait longtemps que je n'ai pas marqué. Et est-ce qu'il y a un but qui ressort plus pour toi? Bon, je te demande à toi parce que tu en as mis plus que Kenny. Mais... mais bon, peut-être que Kenny aussi, je peux poser la même question. Genre, un but pas à l'entraînement. À l'entraînement, j'aimais plus que lui. Un but qui vraiment a plus d'importance que les autres ou qui t'a plus marqué? Franchement, oui. C'était mon premier but ici, à Nancy, et les buts que j'ai marqué contre Le Mans. Le Mans. C'était un match Des fous même. Il n'y a pas d'explication. C'était la dernière seconde. Quand on a pris les deux rouges, je pensais que c'était fini les matchs pour nous. Mais en dernière minute, donc, comme ça, tu marques un but. Jamais je vais oublier ce moment. Et tous les deux, c'est votre meilleur... Bon, je pense que... je ne sais pas si Kenny a été déjà appelé en sélection du Cap-Vert. Mais si on enlève la sélection, c'est votre meilleur moment de club, ce match ? Oui. Contre Le Mans ? Franchement, oui. Pour moi, oui. Et contre Metz aussi. Ça tombe bien parce que moi, c'est mon meilleur souvenir au stade aussi. C'est mon meilleur souvenir au stade, donc comme ça, c'est pareil. Franchement, c'était bien. Boa, Tony... Tony, je ne sais plus comment. Tony Fika et Gemia. Alors c'est bien joli, pour l'instant on est en France, mais enfin vous êtes quand même des Cap-Verdiens les gars. Ouais. Alors ça vous arrive de retourner au Cap-Vert ? Oui. Bah oui. Tous les ans on va deux fois. Deux fois au Cap-Vert ? Oui. En décembre et en mai. En décembre et en mai ? Ouais. D'accord. Comment ça se passe là-bas ? Bah on ira voir la famille, et passer des vacances... Et voir un peu du monde que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Mmh. Et... Mais comment vous êtes accueillis ? Bien, ouais. C'est chez nous. et chacun a son ville. À ma ville, tout le monde m'aime bien. Vous êtes des héros là-bas. On va pas dire ça. Moi, j'aime pas dire ça. Normalement, je suis comme les autres. C'est juste parce que j'ai joué le foot. Moi, j'ai fait une chose. C'est attends, j'ai dit héros, mais je pensais demi-dieu. Oui, franchement. Franchement, je sens comme les autres. C'est bien d'être avec des amis depuis que tu es petit. Quand j'y arrive là-bas, je suis bien cuit, normalement. Ben oui. Il faut pas oublier quand même que c'est un pays aride, hein, où le maïs et le manioc ont quand même du mal à pousser, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a de la pouzzolane? Quoi? Ah, ben il n'y en a peut-être pas. Alors, je crois savoir que la pouzzolane, c'est une espèce de terre qui revient des volcans, hein, puisque... Ah ouais, oui, oui. Et, bah oui. Et qu'on ramasse et, ouais, et qu'on exploite. Il y en a, ouais. Il y en a? Ouais, il y en a. Et la pouzzolane? Parce qu'il y en a des volcans là-bas. Et poivre. Si, poivre, quelques volcans pour Oui, alors c'est un produit qu'on mélange au ciment pour le faire durcir. Voilà, la pouzzolane. Ah, franchement, je ne sais pas. Bon, bah écoute, on va dire qu'il y en a un peu, hein. On ne va pas se mouiller, parce qu'effectivement... Si ça vient du volcan, c'est forcément qu'il y en a, parce qu'au Cap-Vert, il y en a des volcans. Cap-Vert, 10 îles, 10 îles dont chacune a ses propres caractéristiques. Oui, ça. Du sel également au Cap-Vert? Du sel, c'est touristique, normalement. Alors, touristique, et ça va l'être de plus en plus, à mon avis. D'abord parce qu'on fait cette émission-là. Non, c'est vrai que le tourisme a le vent en poupe là-bas. Et le soleil, le ciel et la mer. Oui, il y a tout là-bas. C'est une île touristique. Maintenant, il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas. Je pense que c'est bien pour les vacances. Badjo, je vous invite à y aller. Bah, j'irai alors. Je vous attends. Prochaine question, c'est notre ami Fabien Douté qui nous a rejoint. Fabien, président du club de Scrabble de Nancy, club prestigieux. Allez Fabien, vas-y. Oui, j'avais une question pour nos deux footballeurs. Il y a 2 ans, le club de Saint-Étienne avait prêté un joueur à Nancy déjà, Arnaud Nordin, qui avait fait une saison très accomplie en attaque. Et on voit maintenant qu'il est fréquemment titulaire, il joue avec Saint-Étienne en Ligue 1. Alors, est-ce que cela vous inspire, tous les deux? Et est-ce que ça vous donne des idées? Quel est votre objectif pour la suite de votre carrière? Oui, bien sûr, parce que normalement, quand ils te prêtent, ils te prêtent pour avoir du temps de jeu, pour aguerrir au plus haut niveau. Et là, je pense que ça peut aider beaucoup, ça peut aider beaucoup à chercher une place dans l'équipe de Saint-Étienne. Moi, je pense c'est avec les travails, tu peux arriver là au plus loin que Saint-Étienne. Mon objectif, c'est pas rester jusqu'à Saint-Étienne. C'est aller plus loin que ça. C'est ça mon objectif, je pense. Et cette saison avec la SNL, quel est votre objectif? Est-ce que vous visez, sans vraiment le dire, parce que pour pas le dire, la montée, ou est-ce que l'objectif c'est avant tout d'éviter d'avoir une saison difficile comme l'année dernière avec le maintien? Normalement, c'est éviter la saison difficile comme la dernière. Après, ça va revenir. Faut attendre un peu pour regarder. Après janvier, on va parler de monter ou descendre. Là, ça va être plus. C'est là que tu peux trouver où Ouais, que tu là, il peux faut aller. essayer de gagner des matchs. Ouais, ça va le faire. Moi, je pense que cette année, on a une belle équipe, donc je crois en vous, les gars. Moi aussi. Nós temos, fossem bonitas, queimos. Bandeira na mão, em espé na chão. A cor é diferente, postura é irmão. Café tem um som, de barão azul. Se não querer um bom grupo, passa na paul. Não quer aquela união, norte até sul. O chambre stand up. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 34 à l'écoute des musiques du monde. Cette fois, il était consacré à Dias Wagner et Kenny Rocha Santos et au rythme du Cap-Vert. Et vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Radio Fagette et je vous donne le code WORDPRESS WORDPRE2S. Radio Fagette, WordPress. Il me reste à remercier nos deux invités de s'être livrés à ce jeu de questions. Et puis, vous nous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci à Yves et à Pierre pour leur participation. Merci Claude, encore une fois, c'est toi qui as été l'artisan de cette rencontre. Merci à Fabien et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Le prochain Patchwork, ben c'est dans 15 jours, mais nous serons là dimanche prochain et nous vous espérons fidèles à la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net, fagette.net en ligne pour les autres Européens. Allez, au revoir! Au revoir.